Chapitre 39e, sauf qui peut. Magnus, de son côté, n'avait pas perdu son temps. Il profita d'un moment où personne ne le voyait pour avertir Adrienne et Diane qu'elles eussent à se tenir prêtes à partir à la première heure du jour. Leurs chevaux, scellés et bridés, seraient devant la porte du pavillon. Magnus se chargeait du reste. « Si j'échoue, leur dit-il, je ne verrai pas mon échec. » Un vague effroi se glissa dans l'âme des deux cousines. Elles échangèrent un long regard et passèrent la nuit en prière. Magnus ne dormit pas non plus. Il allait et venait lentement autour du pavillon. Le son de la cloche qui tintait dans l'éloignement lui rappelait ce funèbre couvent de Saint-Rupert vers lequel Madame d'Igomère entraînait Mademoiselle de Souvigny et Mademoiselle de Pardaillan comme une louve de brebis ravie au bercail. Les sentinelles se promenaient silencieusement dans l'ombre des murailles. Une lampe brûlait dans l'appartement d'Adrienne. Un homme sortit bientôt de celui de Madame d'Igomère, qui devint sombre comme la nuit. Immobile contre un arbre, Magnus vit passer Jean de Verte. Plus rapide et plus menaçant qu'un fantôme, il s'effaça dans les ténèbres. Franz, qui l'accompagnait, revint auprès de Magnus. « Demain, je vous rendrai à Saint-Rupert le déjeuner que vous m'avez offert à l'enseigne des Trois Mages, » lui dit-il. « Quand les grands font cher lit, les petits peuvent grignoter. »« Et qui vous empêche de chercher le repos en attendant ?» demanda Magnus. « Je suis comme les chats, je guette, » répondit Franz. « J'ai idée qu'il y a une souris en campagne. » Et il s'éloigna sans faire plus de bruit qu'un renard qui rampe sous un taillis. Ces quelques mots firent comprendre aux soldats que Franz avait conçu des soupçons et l'engagèrent à redoubler de surveillance. Il avait devant lui un adversaire qu'on n'arriverait pas à vaincre sans effort. Une heure après, Magnus entendit un cri sourd et presque aussitôt un bruit semblable à celui que ferait le corps d'un homme en tombant. Il fit un bond du côté des écuries d'où partait ce cri. Franz était debout, un poignard à la main, et devant lui, renversé, la poitrine ouverte, l'écuyer de Mademoiselle de Pardaillan. Les dernières convulsions de l'agonie agitaient son corps. « Voilà la souris, » dit Franz en riant. « Vieille souris, ma foi, à qui l'âge n'a pas appris qu'il ne faut plus rôder, l'heure du couvre-feu passée. » Le sang bouillonnait dans les veines de Magnus. « Pourquoi avez-vous tué cet homme ? » demanda-t-il en s'efforçant de rester calme. « Demain, Mademoiselle de Pardaillan va m'importuner de ses plaintes et de ses cris. Voyez, » répondit Franz. Et du doigt, il lui montra les chevaux des deux cousines tous scellés qui enfonçaient leurs naseaux dans l'avoine. « Ce vieux coquin achevait de boucler leurs sangles, » reprit-il. « Je me méfiais de ce sournois depuis longtemps. J'ai profité de l'occasion et je m'en suis débarrassé. » Un râle déchira la poitrine de l'écuyer. Sa tête roula sur le sol et il expira. « J'imagine que Madame la baronne d'Igomère ne me cherchera pas querelle, » poursuit Franz. « J'ai saisi l'occasion aux cheveux, non, à la gorge, car c'est par là que je l'ai pris, ce vieux mécréant. » Et tout en parlant, il se mit en devoir de débarrasser les chevaux de leur harnachement. « À votre place, j'aurais agi comme vous l'avez fait, » dit Magnus qui posa la main sur le bras de Franz. « Mais puisque la besogne est faite, laissons les selles sur le dos des chevaux. Ne faut-il pas qu'ils soient prêts à la première pointe du jour ?»« Ma foi, vous avez raison, camarade. » De cette façon, personne n'aura perdu son temps, ni lui, ni moi. Franz prit une lanterne de corne et passa dans une écurie voisine. « Avant de songer à dormir une heure ou deux, je veux savoir, dit-il encore, si ce vieux coquin n'a pas joué de ce côté quelque autre tour de sa façon. » Magnus, qui le suivait pas à pas, remarque alors une douzaine de chevaux tout scellés, le mort dans la bouche, l'étrier au flanc et retenu au râtelier par un simple licol. « Ça a été jusqu'à présent la précaution inutile, » dit Franz. « Mais si nos oiseaux s'étaient envolés, nous avions des ailes pour les poursuivre. » Magnus passa la main sur l'encolure des chevaux. « Voilà une chose que je n'aurais pas appris si l'écuyer n'était pas mort, » pensa-t-il. Un jour entra par la porte de l'écurie et en éclaira confusément la profondeur. Magnus promena ses regards autour de lui. Personne n'était là. Et l'heure s'approchait où la partie décisive allait s'engager. Franz étouffa un léger bâillement. « On ne dira pas que j'ai perdu ma nuit, » dit-il. « J'ai bien le droit d'aller dormir un peu. »« Dors donc !» s'écria Magnus. et avant que Franz pût faire un mouvement ou pousser un cri, il l'avait saisi par le cou et jeté sur un amas de paille. Pareil à des pinces de fer, les doigts de Magnus entraient dans les chairs de Franz et l'étouffaient. « Regarde, je m'appelle Magnus et je paye la dette de Karlskrona !» dit le vieux reître en arrachant la fausse barbe et la coiffure qui le défiguraient. Une expression de terreur folle se peignit sur le visage de Franz. Ses bras s'agitèrent dans le vide, il voulut se lever, mais la main terrible de Magnus le retint cloué à sa place. Lorsqu'il ouvrit ses doigts, Magnus n'avait plus devant lui qu'un corps inerte et roide. « Dent pour dent, coup pour coup, » dit-il en entassant des bottes de paille sur le cadavre de Franz. « J'en ai fini avec l'homme, aux chevaux à présent, » reprit-il. Et s'armant d'un poignard à lame affilée, il coupa une à une les sangles qui assujettissaient les selles sur le dos des chevaux, en ayant soin de laisser un fil qui peut les maintenir en place. Au premier effort du cavalier, ce fil ne manquerait pas de se briser. « De ce côté, me voilà tranquille, » pensa-t-il, et il sortit d'un pas ferme. Une sentinelle se promenait devant la porte du pavillon. « Tout va bien, » dit Magnus, et sans perdre une minute, il monta chez Mademoiselle de Souvigny. Elle était à demi couchée sur son lit, tout habillée. « Hâtez-vous, » lui dit-il, « et prévenez Mademoiselle de Pardaillan, nous devons être à cheval avant une heure. » Et du même pas rapide, il alla tirer de leur repos les trois ou quatre serviteurs sur lesquels il comptait. En quelques instants, tous furent sur pied. Deux d'entre eux tirèrent silencieusement de l'écurie, les chevaux scellés et bridés par l'écuyer, un autre ouvrit la porte de la grande cour. Mais déjà Madame d'Igomère ne dormait plus. Le jour était venu où elle allait enfin savourer une vengeance depuis si longtemps attendue. Enivrée d'une joie fiévreuse, elle poussa les rideaux de sa chambre et se mit à la fenêtre. Le soleil brillait au bout de l'horizon. « Donc, c'est aujourd'hui, » dit-elle. Le mouvement qui remplissait la cour attira son attention. Pourquoi ces chevaux? Pourquoi ces hommes? La vue de Jean Werth qui montait les marches du perron lui fit croire qu'il avait donné des ordres dont il lui fallait expliquer la signification. Magnus parut dans la cour presque au même instant. Franz ne s'y montrait pas, bien que l'heure où il faisait sa ronde matinale fût passée depuis longtemps. Quelques-uns des sacripants qu'il traînait à sa suite erraient çà et là et semblaient le chercher. Un indéfinissable soupçon traversa l'esprit de Madame d'Igomère. Elle fit de la main signe à Jean de Werth, qui venait d'ouvrir la porte de sa chambre, de s'approcher de la fenêtre où elle se tenait elle-même. « Connaissez-vous cet homme ? » lui dit-elle vivement. « Celui qui tient la bride de ce cheval noir ? Parfaitement. C'est Benko, l'un des laquais de Monsieur de Pardaillan, un imbécile qui se mêle de fidélité. « Non, pas celui-là, cet autre. Qui a un feutre gris ou pend une plume verte. Ce grand roux à barbe fauve? Oui. Je le vois pour la première fois. Quoi? Ce n'est pas le messager que vous m'avez envoyé pour me prévenir de votre prochaine arrivée? Et non. Karlmayer est un petit homme, maigre et sec, qui a le teint couleur de safran et la barbe noire comme l'encre. Le traître! En ce moment, Adrienne et Diane, qui venait de descendre le perron, se hâtait de se mettre en selle, aidés par Magnus dont Benko tenait le cheval. En une minute, tous eurent la bride en main. Madame d'Igomère se pencha hors du balcon. « Arrêtez » cria-t-elle d'une voix impérieuse. Mais déjà, Mademoiselle de Pardaillan et Mademoiselle de Souvigny se dirigeaient vers la porte, toute grande ouverte, et la franchissaient d'un bond. « Arrêtez cet homme! Arrêtez ces femmes !» cria de nouveau Madame d'Igomère, qui voyait sa proie lui échapper. « Eh, par la mort Dieu, obéissez donc !» cria à son tour Jean de Werth, qui comprit tout. Quelques-uns de ceux qui attendaient Franz accoururent enfin et firent mine de s'opposer au départ du reître qui marchait le dernier. Mais Magnus pressait son cheval entre ses forts genoux. « Malheur à qui me touche !» dit-il d'une voix haute. Un homme cependant s'approcha et saisit le cheval par la bride. L'épée de Magnus tournoya dans sa main et tomba sur le front de l'audacieux qui roula mort à terre, la tête fendue jusqu'au menton. Jean de Werth poussa un hurlement sauvage et enjamba la fenêtre. Magnus jeta son chapeau en l'air et faisant bondir son cheval par-dessus le cadavre du soldat. « Magdebourg » cria-t-il d'une voix tonnante. Et il s'élança d'un bond sur les traces des deux jeunes filles. Déjà quatre hommes déterminés galopaient auprès d'elle. La troupe entière passa comme un torrent et s'éloignant, laissa derrière la croupe des chevaux les bois sombres de Saint-Rupert. Jean de Werth venait de tomber dans la cour, l'épée entre les dents. « Aux chevaux ! » cria-t-il. Quelques soldats, témoins de cette scène rapide, s'étaient précipités du côté des écuries et en sortaient, conduisant les animaux par la bride. 5 ou 6 d'entre eux mirent le pied à l'étrier. « 1000 ducats, à qui l'atteindra le premier ?» cria Jean de Werth. Les soldats s'enlevèrent, mais les sangles se brisèrent sous le poids des cavaliers et tous retombèrent lourdement sur le sol, entraînant les selles dans leur chute. « Malédiction !» dit Jean de Werth. Il enleva un mousquet accroché à l'arçon d'une selle, courut vers la porte et fit feu. La balle égratigna la terre derrière les fugitifs qu'un tourbillon de poussière enveloppait. Jean de Werth brisa la crosse du mousquet contre le mur. Madame Digomer venait de paraître dans la cour où quelques chevaux galopaient en liberté. Blanche de colère, elle démontra du geste aux soldats encore étourdis de leur chute. « Mais vous avez des sabres, des pistolets !» dit-elle. « Courez, volez, leurs dos vous porteront !» 7 ou 8 êtres sautèrent accrus sur le dos des chevaux et les poussèrent vers la porte. Jean de Werth les imita et tous ensemble se jetèrent à la poursuite des fugitifs. On ne voyait plus qu'un nuage blanc roulant sur la route. Les cavaliers, excités par Jean de Werth, avaient à peine franchi une distance de quelques centaines de pas lorsqu'ils virent 4 hommes sortir du nuage blanc et s'arrêter en face d'eux au milieu du chemin. Celui qui marchait à leur tête et qu'on reconnaissait sa haute taille s'empara d'un mousquet, épaula et fit feu comme Jean de Werth lui-même l'avait fait peu de minutes auparavant. Un homme ouvrit les bras, tomba sur la croupe du cheval et roula par terre. Toute la troupe s'arrêta. « Lâche !» cria de Werth. « En avant !» Mais un second mousquet brillait dans la main de Magnus. Avec cette rapidité de coup d'œil particulière aux hommes de guerre, Jean de Werth comprit que le coup lui était destiné. Il serra violemment la bride de son cheval et le fit se cabrer. L'éclair s'alluma, et avant que la détonation arrivât aux oreilles des cavaliers qui accompagnaient Jean de Werth, une balle s'enfonça dans le poitrail de l'animal qui s'abattit dans la poussière. 2 coups de feu retentirent encore, tandis que Jean de Werth s'efforçait de dégager sa jambe prise sous le flanc du cheval agonisant, et 2 soldats tombèrent mortellement atteints. Lorsque Jean de Werth se trouva debout, la troupe entière avait reculé. Il frappa la terre du pied. « Elle m'échappe encore !» dit-il. Les reîtres mis en fuite, Magnus battit en retraite et rejoignit Mademoiselle de Souvigny et Mademoiselle de Pardaillan. 1 heure après, au bout de la route, il voyait les hauteurs de Magdebourg. « Dieu vous a sauvés, que Dieu soit loué !» dit Magnus. Il venait d'apercevoir au sommet de la plus haute tour le drapeau de la Suède. Les 2 cousines étaient dorénavant sous la protection de Gustave Adolphe. Le premier soin de Magnus fut d'expédier un des hommes qu'il avait suivi au rendez-vous assigné à Monsieur de Laguerche et à Monsieur de Chauxfontaine. Il devait apprendre en même temps et leur délivrance et le lieu de leur retraite. À l'heure où Benko quitta Magdebourg, quelques bandes éparses d'impériaux se faisaient voir autour de la ville. Leur nombre grossit extraordinairement dans la journée. Le lendemain, 1000 bannières flottaient dans la campagne, les piques et les mousquets reluisaient sur tous les chemins et sur tous les sentiers. Des batteries montraient les gueules de 100 canons sur la lisière des champs. L'armée du comte de Tilly investissait Magdebourg. Sommée de se rendre vers midi, la ville refusa bravement d'ouvrir ses portes. Le héros d'armes chargé de porter cette vaillante réponse au comte de Tilly n'avait pas atteint le camp impérial que déjà l'investissement était complet et toute communication coupée avec les campagnes voisines. « Hé hé !» pensa Magnus, « j'ai bien fait de ne pas attendre pour expédier mon message. » Dès le même jour, une volée de boulets tomba sur les faubourgs de Neustadt et de Sudenburg. Quelques nuages s'élevant aux endroits où les blocs de fer avaient frappé indiquèrent aux bons bourgeois de Magdebourg que les désastres de la guerre allaient succéder aux prospérités de la paix. Ces pans de murs écroulés, ces toits effondrés étaient pour eux l'image du commerce anéanti, de la sécurité détruite. Si quelques-uns frissonnèrent à la pensée des catastrophes que leur promettait le siège qui venait de commencer, le plus grand nombre, confiant dans leur courage et la solidité éprouvée de leurs remparts, s'apprêtèrent fièrement à repousser les assauts de l'ennemi. Aux premières décharges de l'artillerie dont les détonations successives ébranlaient les vieilles maisons de Magdebourg, Adrienne et Diane coururent sur un balcon qui donnait sur l'une des principales rues de la ville. Tout y représentait le spectacle du tumulte le plus extraordinaire. on voyait passer en grande hâte des compagnies de bourgeois qui se rendaient sur les remparts au bruit du tambour. Des groupes de volontaires portant le mousquet ou la pertuisane couraient çà et là en appelant tout le monde aux armes. Des pelotons de soldats qui appartenaient au régiment suédois marchaient d'un pas ferme, grave, silencieux, en braves gens pour qui les hasards terribles de la guerre n'ont pas de secret. Des marchands tirés tout à coup de leurs boutiques traînaient des canons qu'on allait placer aux endroits où la défense paraissait le plus faible. Des femmes animées d'un esprit belliqueux roulaient des barriques pleines d'eau le long des maisons où l'incendie pouvait être le plus facilement allumé. Elles excitaient leurs maris et leurs frères de la défense commune, tandis que les plus jeunes, pâles, émues, tremblantes, mais déterminées à imiter leurs aînés, préparaient de la charpie, du linge, des couvertures pour les blessés, des munitions et des vivres pour les combattants. Les matières combustibles auxquelles un projectile pouvait communiquer le feu étaient entassées au fond des caves dont on s'empressait de fermer les soupiraux. Les échevins et les chefs des différentes corporations parcouraient la ville, animant leurs concitoyens à se bien conduire et distribuant des éloges à ceux qu'ils voyaient déjà la casaque sur le dos, prêts à courir où le danger les appelait. De bruyantes acclamations s'élevaient sur leur passage. La foule les suivait de rue en rue, compacte, serrée, tumultueuse, puis s'ouvrait tout à coup pour donner une libre issue à quelque officier qui portait un ordre et passait au galop. Adrienne et Diane, captivées par l'émotion de ce spectacle, suivaient de l'œil chacun des cavaliers. Aucun ne leur paraissait avoir la bonne mine de M. Daguerre chez de Renault. Magnus parut alors. « Que veut dire tout ce bruit ?» demanda Mademoiselle de Souvigny. « Mais avis que nous avons échangé notre souricière contre une cage, » répondit le soldat. « Le mieux est que la cage est honnête. Seulement, il n'y faut laisser entrer personne. » Sur la nouvelle qu'il leur donna qu'il avait expédié Benko à M. de la Guerre chez M. de Chauffontaine, Diane battit des mains. « Nous ne tarderons pas à les voir paraître, » dit-elle. « Y penses-tu ? » s'écria Adrienne. « Comment traverseront-ils les rangs pressés de nos ennemis sans s'exposer à 1000 morts ?»« Ah !» reprit Diane, dont les yeux se remplirent de larmes. « Ils s'y exposeront puisqu'ils savent que nous sommes ici. » Il nous faut maintenant abandonner Magdebourg et retourner auprès des deux gentilshommes que nous avons laissés courant par Mons et par Beau, mais dans des directions opposées à la poursuite de Madame Digomère. Armand-Louis, de son côté, et Renaud du sien, n'avaient rencontré nulle part des traces de celles qu'ils brûlaient également du désir d'atteindre. Trois ou quatre fois trompés par de fausses indications, ils avaient poussé leur course vers des villes et des châteaux où personne n'avait entendu parler de celles qu'ils cherchaient. Pour M. de la Guerche, Madame Digomère était une fée invisible. Pour M. de Chauffontaine, c'était la plus terrible des chimères. Combien déjà n'avait-il pas traversé de bourgs, visité de couvents, rencontré de cavalcades? Des sylphes et des esprits follets eussent laissé plus de marques de leur passage que Mademoiselle de Souvigny et de Pardaillan. Après avoir battu dans tous les sens un vaste rayon de campagne, Armand-Louis et Renaud avaient repris tristement le chemin de l'hôtellerie où ils avaient laissé une sentinelle en vedette sur la recommandation de Magnus. Ils y trouvèrent Carquefou, qui n'avait rien découvert non plus et qui tremblait encore au souvenir des périls qu'il avait courus. La sentinelle avait bu consciencieusement, loyalement déjeuné et dîné, et ne savait rien, si ce n'est que divers messagers étaient arrivés à intervalles inégaux, racontant tour à tour que personne n'avait encore rien vu, soit du côté du nord, soit du côté du midi. Le premier garde, M. de la Guerche, apprit à Renaud le résultat négatif de son pèlerinage. Le triste sourire de M. de Chauffontaine fit comprendre à Armand-Louis que le voyage de son compagnon n'avait pas été plus heureux. Ces deux cœurs robustes éprouvèrent une sorte de commotion électrique. Pâles et les yeux humides, Armand-Louis et Renaud joignirent leurs mains dans une étreinte muette. Carquefou avait l'apparence d'un mort. « Si Adrien est perdu pour moi, malheur à Jean de Verte !» s'écria M. de la Guerche. « Fût-il à la cour de Ferdinand d'Autriche, sous l'ombre du trône impérial, je le tuerais !»« Si quelque homme du nom d'Igomère existe en Allemagne, » dit à son tour M. de Chauffontaine, « fût-il au fond des enfers, j'irai demander à ses entrailles compte de Mademoiselle de Pardaillan. » Un vague espoir le restait encore. Peut-être l'une des deux captives avait-elle réussi à faire parvenir de ses nouvelles à M. de Pardaillan. un mouvement simultané, les poussa l'un et l'autre à se rendre sans retard au camp du roi de Suède, auprès duquel le vieux gentilhomme était resté. Ainsi s'achèvent les coups d'épée de M. de la Guerche, d'Amédée Achard. La suite s'intitulera « Envers et contre tous ».